boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. Pour commencer notre pop and rock sur la très locale Radio Valorin, j'ai choisi la piste numéro 1 du dernier album de Yumi at Six, album sorti cette année comme la plupart des titres de ce soir. Si 2021 est encore l'année du Covid, elle est aussi l'année de sortie des albums de Modest Mouse, de Sleater Kinney et autres Billy F. Gibbons. C'est aussi l'année de sortie du nouvel album de Wolf Alice, qui nous offre rien de bien nouveau à Londres, mais qui nous propose un bon moment, alors profitons des deux titres qui arrivent. On écoute Feeling Myself, mais commençons tout de suite par Smile de Wolf Alice. Thank you. Entre 17h et 18h, c'est Pop & Rock. 2021, année Covid, mais aussi année des filles dans le rock, puisqu'en grattant, en cherchant, j'ai découvert le nouvel album de Sleater Kinney, duo de rockeuses pas de prime jeunesse, mais capable aussi de nous offrir deux titres ce soir, Down the Line, suivi de Shadow Town. Something, the pages unwritten, moons that never meet. Allez, si après les filles de Sledgehawkinay, on se faisait notre premier Oldies But Goldies, vous connaissez You Really Got Me des Kinks. Come on. y a quelques décennies, ZZ Top nous offrait ça. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing. Lagrange, c'était il y a bien longtemps, et en 2021, un des ZZ Top, Billy F. Gibbons, sort un nouvel album solo, d'où j'ai extrait pour vous Spanish Fly. Spanish fly, you gotta get down if you wanna get high. Spanish. Spanish Fly, si vous avez aimé, foncez sur Hardware, dernier album de Billy F. Gibbons. Ça sent la sueur rance des bouges américains. Peut-être y rencontrerez-vous notre invité suivant, un dénommé Gruff Rice, du rock doux, mêlant piano-guitare et la voix de Gruff. J'ai parcouru son dernier album, je vous en ai sorti Can't Carry On et Learn Your Loneliness. On écoute donc Gruff Rice. Elle est grattée sur la page Facebook de Pop and Rock, les petits enfants du rock. Sweat. Parfois, pour trouver des perles, pas besoin de traverser mers et océans. Il suffit d'une promenade dans un parc proche de chez vous pour entendre des voix cristallines. C'est ce qui m'est arrivé il y a quelques jours où, sous des arbres arrosés d'une pluie chaude de juillet, j'ai découvert Redhead Indian. Now this billboard surrounded with dust in the sky. I've never thought it was inhabited. What the hell? I got a message from Earth in my mail. A creep boy of me, they want my hand. I never thought it looked this way. If I opened the doors, I gave them a chance. Don't make the same mistakes. I got a message from her in my mail. She was helpless, then I gave her the answer. She was helpless, then I gave her the answer. Take a glass of milk inside my rocket. Let's get dancing in the Milky Way. Fill your head as much as you can. Let's get dancing in the Milky Way. Let's get a storm and then you're human. So we'll be dead. Or maybe they could think and try to help. No way. I've got a message from Earth in my mail. Keep your opening closed and your people safe. Don't let them impress you with their pretty words. Got a message from her in my mail. She says it won't be long before cowards set in. They'll try to fix pieces, they'll just plug up the holes. I got a message from her in my mail. I got a message from her in my mail. Take a glass of milk inside my rocket. Get dancing in the Milky Way. Clear your head as much as you can. Let's get dancing in the Milky Way. Let's get a storm and then the humans all will be dead. Or maybe they could think and try to help. No way. No way. Merci beaucoup. Merci. There's a guitar on my wolf car, and a ginger as a passenger. Being by the north or by the south, she is all I need. Well, I don't care. If I'm the ginger, she's the Indian black air flying. Trust me, they're flying to the rhythm of the music. Mine is elsewhere. Ooh. We are close to it. Newton's looking for it. Walking down Mississippi for our liberty. We won't let you go, dear independence. Cross all the roads and won't let you go. By the open window, feel the wind. Feel the good cold stinging our blood, our listening steam. She is dancing a cigarette from Texas. She impresses me by her feel and joy. The air she feels on her face, freedom from those her chase. She mounts it. We are close to it. Many times looking for it. Walking down Mississippi for our liberty. We won't let you go, dear independence. Cross all the roads and won't let you go. We are close to it. Many times looking for it, walking down Mississippi for oil liberty. We won't let you go, oh dear. Independence calls the Lord, won't let you go. Vous êtes bien calé dans Pop and Rock sur RVR pour notre deuxième bulle Oldies but Goldies, George Overkill. You'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl. And all they can say is, he's not your kind. They never get tired of putting it down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them break up your mind. Modest Mouse, groupe au pseudo étrange, sort un nouvel album en 2021. Petite surprise d'originalité avec un titre aussi énigmatique que le nom de leur groupe. On écoute Fuck Your Acid Trip par les Modest Mouse. Figure it out. Instagram. Well, I'm laughing so hard that it hurts my mouth. But this isn't my weekend, I should never come out. So fuck this acid trip, I need to come down. Fuck this acid trip, I need to come down. Fuck this acid trip, I need to come down. Fuck this acid trip, I need to come down now. Figure it out, we'll figure it out. Cause I have to go now, but I have to go right now. Enchaîné après les Modest Mouse, j'ai un petit peu gratté, je ne savais pas trop quoi vous mettre. Alors j'ai choisi un groupe au nom aussi long que incompréhensible, les King Gizzard and the Lizard Wizard, qu'on a écouté il y a quelques temps avec le morceau, du moins un morceau, un petit bout du morceau Rattlesnake. Très long, 7 minutes 46, je vous le laisserai pas jusqu'à la fin. Rattlesnake. Mais rendons leur liberté aux furieux des King Gizzard and the Lizard Wizard et retrouvons une dernière fois le gallois Quinca pour un troisième titre de son dernier album. Et sur ce, je vous dis rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit. Bis à tous. I was the guy.